émission, seule émission rap de référence. Are you ready for this? Pour une heure de direct et nouveaux sons en exclu dans toute la France. Tous les soirs sur Skyrock, 20h-21h, Planète Rap avec Fred. Ce soir, Planète Rap La Fouine, capitale du crime 4. Capitale du crime 4, ça arrive, ça y est, on est vendredi, ça arrive lundi dans les bacs et toujours en précommande. Ça va bien La Fouine? Ça va très bien et toi Fred? Pour cette dernière de la semaine. Bah c'est une dernière et on a eu plein de bons freestyles. Ah, ouais. C'était une bonne semaine, j'ai et plein de retours sur cette semaine. On va pouvoir réécouter un aperçu de cette semaine, on a fait le replay de la semaine dans quelques minutes. J'adore vos trucs comme ça, Previously on Skyrock. D'ici quelques minutes, on pourra réécouter rapidement ce qui s'est passé durant cette semaine. Ce soir, pour conclure, on va conclure en beauté. Il y a beaucoup de monde dans le studio. Il y a beaucoup de monde et puis on a des invités aussi. Deux jeunes artistes que j'aimerais aussi vous faire découvrir. Qui sont sur CDC4. Qui sont sur CDC4. Et banlieue très sale, voilà, BTS. Sur un morceau qui s'appelle BTS. Bon, c'est pas le BTS de, c'est le BTS. C'est la banlieue très sale. C'est la banlieue très sale. J'ai le plaisir de vous présenter BR qui est à mes côtés. Block Rider. Comment va? Ça va et vous? Et vous? Bah, tout le monde va bien. Écoute, ça a l'air d'aller. Peter, en pleine forme. Ça va, merci. Berber avec nous. Petit CV Express. Petit pour CV toi. Express, ouais, BR, artiste du 91. Plus précisément de Saint-Michel-sur-Orge. Donc voilà, on est venu défendre les terres sur CDC4 du 9-1. On est venu un peu défendre le département. Alors pourquoi tu les as choisis, toi, à la Fouine? Bah, tu vois, BR, c'est une personne qui gravite autour de moi depuis pas mal de temps, que je connais depuis presque une dizaine d'années. Presque, ouais. Et il était même d'ailleurs sur une photo qu'on a fait sur Capital du Crime 1. Ouais, exactement. Ah oui, donc voilà. Ça fait longtemps qu'on avait envie de travailler ensemble et puis qu'on avait envie de faire un petit morceau. Et puis je le vois de son côté qui essaie de faire quelque chose depuis de creuser son trou. Donc je me suis dit, je vais l'inviter sur CDC4 parce qu'il a le talent. Je me souviens d'une petite anecdote, je sais pas si tu t'en rappelles, Laoni, mais c'était il y a quelques années où j'étais venu vers toi et tout, c'était pour Capital du Crime 1. D'accord. On avait écouté des morceaux ensemble et tout dans ta voiture. Ouais. Et tu m'avais fait un petit bilan et tout, tu m'avais dit ouais, lourd, super lourd et tout, travaille ça, mais il y a du gros potentiel. Et je me souviens que c'était les premiers conseils d'une grande personne qui avait fait beaucoup de choses à l'époque. Ah, et ça m'avait beaucoup marqué. Je te remercie. Alors aujourd'hui, regarde, pour moi. On partage un titre ensemble et voilà. Et bah, c'est un gros titre. C'est un morceau avec Furtif aussi. Furtif, il arrive. Dans le coin. Dans deux secondes. Il va nous rejoindre le temps d'écouter le replay de cette semaine. J'en parlais il y a quelques minutes. On va débuter avec Vabene comme chaque soir. Et on va débuter juste après avec Vabene. Oulet. Skyrock, remonte le temps. C'était toute cette semaine dans Planète Rap. Alors rappelle-nous justement un peu le concept des capitales du crime, parce que maintenant ça fait plusieurs années que t'as lancé ça. Bah c'est le quatrième volet d'une mixtape que je sors tous les deux ans, sur laquelle il y a quelques morceaux solo et surtout beaucoup de featuring avec la nouvelle génération telle que Cozy, qu'on peut retrouver ce soir avec moi. Yeah. C'est des C4 dans les bacs, détendez-vous, c'est que l'intro. Allez, on attaque en live maintenant sur Skyrock. Ici c'est la Ligue 1, la Ligue 1. C'est des CDC, banlieue sale, ça kick 1. Est-ce que dans les geôles du tribunal tu nous trouves encore sympathique 1? Mais Renoir qui t'a dit ça? On t'a jamais clashé, connard. On ne tire pas sur les ambulances et encore moins sur les corbillards. Biatch rate tranquille sur Paris alors qu'il est sous Bavaria. Les gros rêves de Panamera, du salaire de Di Maria. Trop de fils de pute, je les vois retourner leur veste à quelques euros. C'est des C4 dans les bacs, détendez-vous, c'est que l'intro. On va faire un petit vrai faux de ce qu'on a pu relever sur toi sur le net. Hein. Il y a un peu de tout et n'importe quoi sur le net. La Fouine, tu vas dire vrai ou faux? Vrai, faux, allez. Vrai ou faux? Il paraît que tu devais faire un film et le réalisateur voulait te couper la barbichette, donc tu as refusé. Non, faux aussi. Ça, c'est faux. Non, faux. Si un jour j'ai un bon film que je dois couper ma barbichette, et ben je la couperai pour l'occasion. Hein. On en est où d'ailleurs dans le ciné? Après, ça dépend du budget. On est avec Bunty de Valenton. Salut tout le monde, salut les gars. Oui. Tu es prêt à rapper? Ouais, je suis prêt, mais est-ce que vous m'entendez bien? Parce que je suis en direct de mes toilettes, là. Et t'en es où, alors, concrètement? Bah là, je suis à la descente, là, c'est en train de... Bonjour à tous, je m'appelle Cédric. J'ai la peau qui pique, comme le porc épic. Tranquille, hein, bonne vie, hein, vas-y, tranquille. Bah, j'ai fini la commission, là, c'est bon, elle est sortie. Paris, ici, c'est la requête. Carotter Loki, des Yankees, c'est la requête. Pour avoir l'indépendance, c'est la requête. Mais fais qu'une tarte d'air quand ça balance, c'est la requête. Viens t'apprendre à la famille, c'est la requête. Le prix, c'est la requête. C'est dit, c'est la requête. Parler de Paris, par ici, c'est la requête. requête. Tu carottes Loki, Béanqui, c'est la requête. Ma VSV délovée, c'est les bras s'enlèvent ton revêt. Intérieur cuir, vitre teinté. Tous mes robes sont broliquées, ils font des lovés, lovés, lovés, lovés. Dans quelques feuilles, on va se fâcher. En 10 piges, j'ai tout arraché. Zanotti, diamant, Versace. Non, Renoir, je vais pas te cacher. J'ai fait des lovés, lovés, lovés, lovés. Merci pour tous vos messages, en tout cas, on reçoit plein de messages de soutien. On remonte quelques années en arrière, quand vous étiez bambin, plus jeune, de se dire, voilà, votre passion c'était le rap, de se dire que... Je m'en rappelle, j'étais dans ma chambre avec Laouni aussi, on écoutait Skyrock le soir, et là on est là, tu vois, de l'autre côté du micro, et ça fait toujours plaisir, et surtout de partager ça ensemble, et voilà. On vend la cesse, t'as pas de bibi, tu écartes les fesses. Panam, haram, les bails pas clairs, on va les faire clair comme un éclair. Aïe, poto, nique la, va faire d'inceste. Yeah, je retourne mes crêpes, tu retournes ta veste. Chiter les rails ici s'allument, ne te fie pas à nos poids plumes. Club Medeke et j't'ahep, 11-43, on va te trouver les biceps. Mister Canardo, tu connais, fais pas le teubé, on a les tubes, on a les itachés, on passe à la télé. Si les petits croient en nous, c'est qu'on n'a pas tout dévoilé. J'en vois tellement de rafales qu'ils pourront pas tout avaler. Dis-leur qui sont les boss, sont les best, pour les West CD, c'est du rap d'adulte, pas du rap de Mino. On va t'aplatir comme une pizza Pino. 7890, d'où vient le niveau? D'où vient le niveau? Demande un check, ici les joints tournent comme la boc. Caresse IF, pas devant le ref. Que de la frappe, le rap pour moi c'est ta branlette. Tous ces MC me fatiguent. On parle pas de toi au mercato, Canardo, frère au bœuf, Champions League. Pas de feuille, pas de cigarette devant le grand frère, c'est ça. T'es en train de teaser devant moi, tu sais que c'est une tarasse ou quoi? Casse-toi. Hey, laisse-les parler, mon flow est sous scellé. On m'a dit qu'elle veut revenir, puis qu'elle m'a vu à la télé. Des femmes, je suis écœuré, ce que je veux c'est la baiser. Yeah, ok, ok. Moi j'ai des gros culs, hein. Pour CDC4, c'était GSX, Guise et Canardo. HLM en bord de mer, celui qui teste ton l'unique c'est grand mort. Ma mère elle est morte dans mes bras, j'étais seul à réclamer un temps mort. Je fais mon entrée dans le game comme Kadhafi, on arrive par la force. Ma femme elle s'en tape de mon buzz, elle veut que je lui offre un Michael Corse. On est posé devant le D, survêt de l'Ajax, des gaines d'Hollandais. On fait rentrer du blé, la conseillère d'orientation m'a désorienté. J'ai marché dans la merde, oups, je l'aurais marché dessus. Je l'aurais marché dessus, j'ai craché dans la soupe, hey, je l'aurais pissé dessus. Et je suis toujours debout comme une bécane, tu veux tester, vas-y décale, décale. Trop de la merde, petit interview, V, faudrait ressusciter radical. Red Bull, vodka, Hilton, Pogba, Waran, Zarbeida, c'est des séfites, Waran, Pogba. En cellule j'ai trop rêvé, la chatte à Beyoncé. Cette 8 longueurs d'avance, la chatte à qui on sait. Quoi de neuf, Winnie Babe? Planet Rap, Planet Rap. Planet Rap, capitale du crime 4. Voilà tout ce qui s'est passé cette semaine. Et ça continue pour la dernière ce soir. Avec La Fouine, avec BR, avec Furtif, qui va nous rejoindre ce soir entre 20 et 21, qui est présent sur le projet Capitale du crime 4. Ça sort lundi, toujours en précommande. Ça sort lundi, toujours. Et alors aujourd'hui, il s'est passé, il y a un son qui a été balancé aujourd'hui, enfin qui. Alors aujourd'hui, il y a un son aussi sur iTunes qu'on peut télécharger, qui s'appelle Peace sur le FN. Et c'est un morceau que j'ai. Voilà, d'habitude, je mets un clip tous les vendredis depuis plus d'un mois. J'ai pas pu mettre le clip parce que le morceau est un peu hardcore. Si je mets le clip sur Internet, on va me le retirer directement sur YouTube. Donc ça sert à rien de le mettre et de le laisser deux minutes. Je préfère vous laisser aller découvrir ce morceau sur YouTube, sur iTunes, dès aujourd'hui. Dès maintenant, allez-y. Dès maintenant. Et n'oubliez pas de précommander cet album de ouf. C'est l'album de la, c'est la mixtape de l'année, les amis. CDC4 est dans les bacs. À ne pas manquer, Funny Babe est là de retour. Sont dans le secteur, sont dans le Chaler, Chaler Bordeaux, Mahleba Bordeaux. Et bah tiens, justement, on va rester un petit peu avec le son de Vabene. On va repartir un petit peu direction Maghreb avec Reda Taliani et toi aussi sur ce morceau. Vabene, c'est extrait de Capitale du crime 4. On est trop à souffrir, mais ma soeur, le monde est à nous. Je serai là pour te soutenir quand tu te sentiras seul sur ta route. Je les vois, nos ennemis ne peuvent rien à part parler sur nous. Bon, les a rendurcis, promenade et numéro d'écrou. Moi j'ai jamais changé, je vois des frères devenir parano. Les choses vont s'arranger, de boulot en petit boulot. La galère m'inspire, je viens de là où les rêves tombent à l'eau. Moi j'ai pas fait Saint-Cyr, tous les soirs je regarde là-haut, là-haut, là-haut. Quand on a dernier tune. Le dernier de la classe sera premier sur iTunes. Un pied dans le showbiz et puis l'autre sur le bitume. Écrire avec le cœur et laisser quelques plumes. J'ai de la famille dans le sud, j'ai de la famille dans le rive. Qui peut me stopper, pas leur vin de long rive. Tu t'es embourgeoisé, Roya, pourquoi tu te plains? Moi j'ai pas retourné ma veste, Philippe plein. Les voyais passer en bolide. 20 ans plus tard, j'aurai une baraque en Floride. Longue épopée, de la misère au succès. Jante noire, cuir noir, tu sais toujours qui c'est. Je suis resté le même, en première ou en écho. Appel d'Amido, ma cellule a besoin de déco. C'est Tony Montana, featuring Manny, Casa, Fuini, Alger, Taliani. C'est des C4 dans les bacs. C'est des C4, c'est lundi, ça arrive dans les bacs. Le retour de la Fouine avec plein d'invités aussi. On a pu les présenter cette semaine. Ce soir, BR est avec nous et... Ouais. Furtif. Et Furtif arrivé Furtif. Dans le studio. Ouais. Furtif, ouais. Furtif, je le connais depuis tellement longtemps. Toi aussi, c'est il faisait des tournées histoire. Avec nous, je te jure, c'était quoi? C'était quel album? C'était Aller-Retour. Ouais, je crois. C'était Aller-Retour, c'était JP, je laisse tomber. Et c'est un ancien pote à homme depuis longtemps. Et à chaque fois que je le croise, ça me fait plaisir de le croiser. Il rappe depuis une dizaine d'années, je vais le laisser se présenter. Ouais, bah moi, c'est Furtif. Hein. Tiens, prends bien le micro, Furtif, qu'on puisse bien t'entendre, voilà. Ouais, bah moi, c'est Furtif. Originaire du 92, Boulogne. T'as la Oni, ça fait, comme t'as dit, ça fait assez longtemps que je le connais. Donc, mais bon, ce qui a fait que dans la vie, en fait, j'ai eu quelques petits soucis, à droite, à gauche. Donc, j'ai pas pris le rap, on va dire, comme il aurait fallu que je le prenne. Mais bon, aujourd'hui, on va dire que je suis de retour. Très mal. Ouais, parce qu'en fait, il avait commencé à rapper, il avait arrêté le rap parce qu'il voulait s'inscrire à l'école de police. Et puis après, exactement. Après, voilà, il a tout fait pour être inspecteur. Et puis après, au final, voilà, il a lâché, il s'est mis au rap. Il a failli mal tourner. Ça a failli mal tourner. Ouais. Donc là, c'est à deux doigts. Retour dans le rap avec un morceau qu'on va peut-être écouter maintenant, non? Ah, c'est un morceau que j'ai hâte de vous faire découvrir. BTS. BTS. C'est un morceau de. Je le découvre en même temps. Hein. Bah, c'est une grosse pote de DJ Scorp encore. Scorp, on retrouvera tout à l'heure. Il y aura du live d'ailleurs ce soir dans l'émission. Oui, il y aura du live. Il y aura Furtif et BR, ils vont faire un live. Moi peut-être aussi. Et puis je pense qu'il y aura aussi Omar GSX qui va nous rejoindre. Giz de GSX qui va nous rejoindre pour le live. J'ai ramené aussi un petit chez moi aussi, RATOX qui est très. Vas-y, la famille normale. Et ce sera tout à l'heure dans le freestyle. On balance le morceau BTS. On balance BTS. Banlieue très sale. Sale. Exclu. Je le découvre en même temps que tout le monde. Donc c'est une exclusivité même pour moi. Allez, fais man, écoutez ça. Mais fait main, CDC 4, le 24 novembre, PR, La Fouine, Furtif, yeah! Compare pas nos banlieues à

C'est des C4. C'est la fouine avec Furtif, avec Bear, ils sont là aussi avec nous. Et ce morceau, à l'instant, est très de CDC4, banlieue très sale, BTS. Exactement. Exactement. BTS. Le nom de ce morceau. Un hommage au BTS que nous n'avons jamais eu. Voilà. Voilà. C'est on banlieue l'a, très on sale. On l'a eu. On l'a eu. Furtif, Bear avec nous. Dans un instant, on va revenir. Tu veux qu'on mette un autre morceau, la fouine? Ouais, ouais, dans un instant, on va se mettre un morceau qui s'appelle C'est trop facile. C'est trop facile. Grosse prod de Bonne Collector. Ouais, j'adore ce morceau. C'est trop facile. Juste avant, petit quiz, petite interview du futur. Tu vas voir, c'est très simple, les questions. Dans 5 ans, tu te vois où? Dans 5 ans, je me vois où? Dans 5 ans, en général, j'aime pas me projeter vers l'arrière parce que si je reprends ma vie 15 ans en arrière, ouais, j'étais dans une cellule à Bois d'Arcy, je sortais, j'habitais à Trappes à Georges Sand et je voyais ma vie noire. Et jamais j'aurais imaginé qu'un jour j'aurais pu toucher ces rêves des doigts. Donc, ce rêve des doigts, donc, je n'aime pas me projeter vers l'avenir, mais en l'occurrence, j'aime travailler à fond sur le présent. Alors attends, on va faire un petit coup de passé pour aller se projeter dans l'avenir. Souviens-toi en 2008 quand t'as sorti le premier volume de CDC. C'est au mois de février, je crois, 2008. C'est ça. Tu voyais comment le futur? Alors, est-ce que tu le voyais comme ça, comme ce qui est en train de se passer? Ouais, bah c'est vrai, je le voyais pas aussi bien. J'ai prié ce futur. J'ai fait plein de doigts pour ce futur. Hein. Je suis content de ce qui m'arrive. Je suis content de tout le travail accompli, de toutes ces années de galère et de toutes ces années de succès. Et ça fait toujours kiffer de voir que 10 ans après le premier, presque 10 ans après le premier album, premier maxi, on est toujours là avec la jeunesse, on kick, on est là, on n'est pas là à la ramasse. Et ça c'est beaucoup de travail, énormément de travail. Tiens, et on a fait les comptes hier, tu sais, on parlait hier justement combien de planètes rap tu avais fait. Ouais. Alors on a compté, pas toutes les participations, tu vois, par exemple, il y a des Urban Peace et tout, mais sur tes albums, sur les sorties, c'est 11 déjà. Waouh, pas mal, hein, quand même. Donc, ça en fait de la promo. C'est 11 semaines. Moi qui aurais, déjà. Moi plus jeune, j'aurais juste prié pour un seul planète rap. Donc là, 11 déjà, c'est cool, hein. C'est cool de faire partie de cette aventure. On remercie Skyrock et puis on remercie toutes les personnes qui ont participé à ce projet CDC4, toutes les personnes qui nous soutiennent sur internet, la Funichim, tous ceux qui laissent plein de messages, qui se battent pour nous, merci à vous tous. Tiens, dernière question, interview du futur, là c'est pas très loin, c'est lundi, la journée, le programme de la journée de lundi pour la sortie de CDC4. C'est des télés, c'est la télé, je crois on va aller, je crois lundi c'est Énergie 12, je crois on doit aller à la radio voir Delormeau, j'ai jamais été à son émission, le Mag, donc on va faire une bonne petite promo au Mag et puis on va kiffer avec toute son équipe et puis... Et après, ça va s'enchaîner. Ouais, on a quelques télés pour la semaine prochaine, début de semaine prochaine. Très bien, à suivre lundi dans les bacs CDC4. Et on revient donc avec un morceau qui s'appelle C'est trop facile. Voilà, c'est une prod que j'adore, je l'avais reçue alors que j'étais en concert au Gabon. Et puis j'ai écrit cette chanson au Gabon. Et puis elle s'appelle C'est trop facile. Et bah bougez pas, c'est juste après ça le retour de la fouine avec Bear, avec Furtif, en invité ce soir dans l'émission. Comme toi, la fouine a lui aussi choisi Planet Rap. 20h-21h, tous les soirs sur Skyrock. C'est Skyrock et c'est le Planet Rap, capitale du crime 4. Avec la fouine, avec ce soir BR, Furtif, on invité, vous les retrouvez sur le projet. Hein. Ils sont avec nous et vous bossez sur vous aussi, vos propres projets. Exactement, d'ailleurs je vais profiter de ce petit instant pour vous annoncer la sortie de mon teaser là, qui est sorti depuis quelques minutes maintenant. C'est ALK pour Appel les Keufs. C'est le premier extrait de mon EP 8 titres qui va sortir en début d'année 2015. Donc je vous conseille d'aller le voir, cliquer, partager la famille. Donc là, on tape BR, ALK. Exactement, BR, Block Rider, ALK sur YouTube et vous trouvez ça. Et donc ça arrive quoi, 2015 plutôt? Ça arrive pour 2015, EP 8 titres qui arrive, le clip aussi arrive bientôt. Mais ce soir, on est là avant tout pour CDC4. Un petit clip sur Furtif. Furtif, exactement. Moi, là, je suis sur mon projet, pareil, mon EP, ça s'appelle Tyrannique. Là, je sors bientôt, on va dire la semaine prochaine, d'ici 2 semaines, premier morceau, ça s'appelle 762. Et voilà, début 2015 aussi, pareil. Donc, courant de l'année 2015 pour Furtif. Plein de projets hein, pour tout le monde, je pense, hein, qui va arriver après. Furtif, il est calme, il parle pas trop, ouais, mais quand il est posé, il est énervé dans le micro. Tu nous feras du live tout à l'heure, Furtif. Ouais, vous allez le voir, il va changer. Là, je suis en mode Air Boeing 380. Attends que je me mette en mode. En mode SNL, mon pote. Eh ben, dans un instant sur Skyrock. Et là, juste avant les premiers morceaux avant la pub, qui est C'est trop facile. C'est trop facile. Ça, voilà. C'est un morceau où t'es en solo dessus. Voilà, c'est un morceau solo. Nouvel extrait de CDC4. Merci de tous vos messages. Envoyez vos messages au 41 Sky, 41759. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, il y a un morceau qui s'appelle Peace sur le FN qui est téléchargeable sur iTunes. Et l'album est en précommande toujours. Allez exploser ça tout le week-end. Et puis rendez-vous lundi dans les bacs pour CDC4. En attendant, c'est trop facile. Mmh.

9-1, les frérots. Voilà, ouais, toujours une petite pensée pour eux. Avant de basculer sur le live et de mettre un autre morceau, si on mettra un autre titre, bien non sûr, on mettra un autre titre, tranquille. Après le live Pepper ou avant okay, le live. Ouais, après le freestyle le par téléphone. Après le freestyle par téléphone, let's go. Donc freestyle par téléphone avec Bugsy Doria, salut. Bugsy. Salut. Ça va en pleine forme? Ça va, tranquille, et vous? Bah écoute bien, si on est avec La Fouine, avec BR, avec Furtif ce soir et plein d'autres. La Fouine. Il est là, il t'écoute. Ça va la famille ou quoi? Ça va et toi La Fouine? Tu vas bien? Ça va, ça va. Tranquille. Bon, tu es prêt à faire un freestyle, c'est parti? Je suis prêt, ouais. Allez, coup d'envoi. Ok. Eh, mon Wi-Fi. Bug Bunny. Daté. Hein. J'écris mes rimes à l'encre. J'ancre mes rimes dans l'écrit. Petit garçon pense qu'à percer. Mais persévère quand c'est gris. J'ai pas peur des adversaires. Un persévérant aigri. C'est espèce afghan exil. Quand le passé revend l'avenir. Mais t'as de l'estime ou merde. T'as tort de causer ta perte. Faut que j'ai l'esprit ouvert à force de me creuser la tête. Non, j'enfile pas de costume moi. Je m'en fiche, j'écris, je fuis mais je plane. Et je suis sans raison jovial, mais je crains que la de crève. Ouais, pour un réseau social, je suis sans crainte, mais la faute terre. Donc tes conneries, on s'en passe. Tes bolides, on s'en tape. Je viens de là où les petits s'entassent. Près d'un chromie qu'on s'entend. On s'attend et s'entend. Dans les flammes comme des refaces, Satan. La politique infâme comme les keufs et le sultan. Dans mon quartier, le temps passe. Et je vois les petits grandir. Mes gars qui restent en place. Les abrutis mentir. Je suis un ennemi d'État. Quand maturé, m'enterre. Quand immature, je manque guère. Enfant, je tirais des tafs. Avec les refs nutriments. Des regrets en Manila. Non, je mise pas sur l'habillage, le froid guette et on me surveille trouvé. J'ai 16 ans et 2-3 textes dans mon survêt troué. Ouh. Ok, à l'instant. Pas mal, hein. Pas mal, 16 piges, ouais, bien. Hein. Bien, 16 ans, cool, hein. Bah, tu te poses bien sur l'instru. Balance des sites où on peut te suivre ou tes adresses. Où on peut. Alors, j'ai mon Facebook. Je peux donner mon nom, prénom, ouais. Ou... Bah, ça, c'est comme tu veux. Hein. Ok, bon, mais je vais. Attends. C'est Facebook perso, c'est pas Facebook dont tu te sers pour promotionner ce que tu fais. Non, je l'émotionne là, mais sinon, je vais donner plutôt ma chaîne YouTube. Voilà, file plutôt ça. Ma chaîne YouTube, c'est Bugsy officiel, tout attaché, B-U-G-Z-Y. O2FICIEL. Et voilà. Eh ben merci à toi Bugsy d'avoir été avec nous. En tout cas, on freestyle ce soir dans l'émission. Et avant de passer au live avec BR, avec Furtif, on va se mettre un morceau. On va se mettre terrain avec H Magnum. Ah, bah, très bien. C'était mardi je crois. Quand il est venu, et ben voilà, c'est comme je le disais lors de l'émission. Non, c'était jeudi. C'était hier. C'est fou le temps parfois, comme il t'échappe. Et, ouais. Et comme je disais hier, c'est mon couplet préféré, mon meilleur couplet de CDC4. Envoyez vos messages et puis dites-moi si vous pensez la même chose au 41 Sky 41759 ou sur tous les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram. On est là sur Planète Rap et on s'écoute Terrain en featuring avec H Magnum. Ça sort lundi 24 Magnum novembre. Sont juste derrière les ceintures H. Yeah. J'ai fait un rêve, je l'ai shooté tous. Pas te faire vex quand t'es gun tous. Ouais, Renoir, les temps sont bizarres. Bicrave la dure, oublie la drogue douce. Ouais, baisse les brunes, les blondes et les rousses. Des barrettes de shit dans la trousse. En tournée aux quatre coins du monde, ces Renoir se sont tournés les pouces. J'ai fait du beat, mesdames et messieurs. Ma carrière n'est pas de tourpeau. J'ai tourné, j'ai mangé chez eux. Au 5 bis, Alexandre Turpo et au RO2, je suis pas de leur monde. Et ça gros, ne l'oublie jamais. Mes blessures sont à l'intérieur, ouais, juste derrière mon polo Chanel. Élevé otage, innocent bi. HK, Kefta et Bissap. Non, c'est pas moi qui a changé. Ces bâtards sont devenus bizarres. Façon un jour tout se paiera. On se défourait pour un terrain. Estodel et Kef m'ont soulevé. J'avais l'impression d'être à R1. Ouais, pas de mandat, très peu de courrier. Qu'un parloir le long de ma peine. Aujourd'hui c'est mon répertoire. J'ai sûrement le number de ta chienne. Non, Renoir, sois pas goudé. Ouais, que Dieu soit loué. Ma voiture n'est pas louée. Mon pare-balles n'est pas troué. Pareil que ta bicrave, quelque part. Ouais, tu t'es trouvé en 11. Donc tu prépares ta maquette. Mais sur le terrain, t'es pas dans les 11. Et puis je vois pas pourquoi ils se la pètent. Ils n'ont pas la médaille de bronze. Les balances appellent le 17 et moi je me barre en 911. On va pas parler pour parler, à quoi ça sert refrain. Et pourtant quand venait le moment d'allumer, les bâtards engrainés, les voitures ont freiné, les ratatatata, les darons abolés, rafale énervé, les balances ont craqué, confidence avouée, les condés défilés, le terrain est miné, les petits enfilés, enlevez vos sables et venez chacun les écrouer. Chacun son rôle, chacun sa merde. Que Dieu soit loué. Si on a le monopole, c'est qu'on est pas troué. Le juge est sans pitié, la daronne implorait, me noter, transférer. C'est dans ses larmes que le pleurait. J'ai vu du sang gicler quand la bastos m'a effleuré. Un glock sous l'oreiller, enrayé, comment trouver le sommeil. Mes ennemis gisent 6 pieds sous terre. Le petit frère perd leur temps sur le terrain. Fabi crave, rafale, n'achète un, j'garde mon calme car je l'ai fait, mais j'perds mon temps sur le terrain. Le temps c'est de l'argent, mais j'perds mon temps sur le terrain. J'ai fait des gros sous, mais mon temps j'en perds. Rafale en tête à tête, on peut se faire fumer pour un. Combien six pieds sous terre n'ont pas tenu pour un. N'ont pas tenu pour un. On va se fumer pour un. Assumer pour un. Ils disent que je suis Illuminati, ils ont tort, mais bon je les comprends. Plus j'avance, plus ma monnaie grandit. Dieu pardonne mes fouilles ni babe, non j'ai fait un rêve comme Martin Luther. Banque de France, j'étais du père. À ce qui paraît, tu m'as pas vu, c'est normal, j'étais chez père. Envoie les sous, fils de pute, arrête de tweeter, Renoir agit. Mon son tourne dans toutes les prisons, comme les cubes en magie. Comme en Ukraine, terrain brûle, madame la juge, on t'encule. Brûle les draps, les chauffe les PQ, c'est des CK dans ta cellule. Ceinture H avec mon pote H, on pose les magnums sur les bleutas. Je crois que ta meuf est sur mes genoux. On croit la gueule que t'as. Dans mon allemande, je mangeais que t'as. Dans la boîte à gants, j'ai de la peufra. Et si les keufs me contrôlent, je crois que je leur signerai un autographe. Le juge est sans pitié, la daronne implorait. Le noté transféré, c'est dans ses larmes que le pleuré. J'ai vu du sang gicler quand la bastos m'a effleuré. Un glock sous l'oreiller, oreiller, comment trouver le sommet. Les ennemis, j'ai six pieds sous terre. Les petits frères perdent leur temps sur terre. Ça piquera, rafale, n'achète un garde mon calme. Car je l'ai fait, mais je perds mon temps sur le terrain. Le temps c'est de l'argent, mais mon temps sur le terrain. J'ai fait des gros sous, mais mon temps sur le terrain. Rafale en tête à tête, on peut se faire fumer pour un. Combien six pieds sous terre n'ont pas tenu pour un. N'ont pas tenu pour un. On va se fumer pour un. Assumer pour un. Terrain à l'instant, c'est extrait de Capital du Crime 4 avec H Magnum. Super lourd. Gros hein. Morceau. Hein. Encore c'est un bon. Hein. Comment ça s'annonce alors, Fred Capital? Ah, je pense que ça s'annonce bien pour Capital bien, du Crime. Aussi, qu'est-ce que vous en pensez, les gars? On découvre en même temps que toi, hein, t'as vu, même si on a posé dessus. Personne n'a écouté. Personne n'a écouté. Ce bordel. Et je trouve ça super lourd aussi. Eh, il a été gardé par la CIA, je crois. mon propre morceau, je le découvre avec vous. C'est pire que la CIA. Tu as pas vu que c'était Ruskov, c'est le KGB. C'est pire. C'est Ruskov. Très bon boulot de Ruskov sur le mix. Et ce soir avec nous, Furtif Bear. D'ailleurs, on va passer au live maintenant, si vous êtes prêts. Il y a du monde aussi avec vous qui vous accompagne. Ouais, on est là. Le 240 gang est là. Les Femans sont là. Team ALM est là. J'ai vu Cozy aussi qui était de retour, Cozy qui avait ouvert la semaine. Moi, je suis avec le R. Ah, bah, il est là, Cozy. Je me disais, je l'avais vu quelque part. Je avec l'attitude. Je m'incruste, Il est là, il est là. Lundi, tu viens pour la fermeture vendredi, normal. Le Niama, il est avec là. Il est là avec moi. T'inquiète. Ça va ou quoi, Fredo? Ça va et toi? Et Pierre-Mont, on est là. Eh bah, écoute, terrible. Comment tu vas enfoiré? Moi, je suis frérot, Cozy. Viens encore, mon gars. Ça fait plaisir de te voir, tu vois. Yep. Et ben, Scorpedo Platine. Deezer de ALK. En ligne, la famille. Alpha Morphly pour Bruhebs. Bois d'or. Allez, on y va pour la session freestyle maintenant. Yeah. Gang. Salut, mon vieux, tu me reconnais? A-A-A-A-A-R. Fais-moi. Soulé, Lennox. Team ALM. Flow Wizzy. Elle ne sait quoi. Chef RATE Man Yeah Rider Une tira veston 9-1-0 Yeah Rien à foutre du score, parle-moi en dollars. Dollar. On me dit t'es fort mais tu perds pas, c'est dommage. Dommage. Pas les couilles, je suis du 9-1 comme Thomas. Proliqué, je t'oblige à faire la hola. Hola. Au placard, ta passeuse est dans le coma. Boulette des repères, c'est dans l'estomac. Ces fils de pute voudraient boycotter mon rat. Je suis dur à stopper comme l'Ebola. Plus rien à foutre, un viseur dans les cours d'école. Ton la sauce peut te balancer pour mieux te voler, pire de mes jeunes. Rembat ton hip, ton hop, hip-hop, j'ai pissé sur ton code. Oui, dans ce milieu, ton pire ennemi se fera passer pour ton point. Le fat gang, oui, on est les bestes. Que le premier fils de pute quand tout essaye de tester. Comme SP, je fais gester, les plongés dans la tourmente. Si t'as le cas, c'est bien, bravo, les nôtres, on fait des tournantes. C'est pour la Féman. C'est pour les Féman. Voler un ami, c'est mal. Ouais, c'est mal. C'est quand on en a hagla ou louper un braquage. Comme un frère qui prie bourré qui vomit à la deuxième racade. La météo annonce une météorite. Personne ne survivra par moi. On peut démonter au tournevis. trop hors catégorie. Yeah, squelette elle sous la mâchoire. On finira sûrement alcoolé. À force de trinquer à ma gloire, entouré de tumeurs, pire que les fumeurs, sous les dîners, ici tu n'es tumeur. J'ai tellement roulé ma bosse que si Warner frappe à ma porte, j'accueillerai ces fils de pute avec nos métavulaires. 240 gangs, on prend notre envol. Je me suis fait trahir par ma patience. 9-1-0, on a de la frappe tellement bonne qu'on appelle ça de la Kardashian. Yeah, PR, Femon, yeah. C'est furtif, furtif. 9-2. Venez, on prend un 12 bout de soir, ma gueule. 6 quoi. 1. Ouais, c'est ça, frère. Ok, tu connais. 1. Ouais. Aucune mauvaise intention, que des gestes insensés, qui a la prétention d'arrêter le furtif lancé. C'est des CD4 m'a annoncé, tyrannique va me faire avancer. Le rap n'est pas un rêve, mais pourquoi y renoncer? J'ai pas besoin de vous pour me balancer, j'ai pas besoin de vous pour me faire danser. Fermez vos chats, j'ai à mon genou qu'un train de penser. La voix écorchée vive comme si on me l'avait pendu, c'est peut-être le cas. Les résidus de cheat, de whisky et de vodka. Une sulfateuse au-dessus de la tête, il pleut du 7-62 en rafale. SN et le missile, SM-39 m'avale. On baisse la police, le code pénal, la justice et ses lois. Le furtif c'est moi. Une spécialité Scorp, tu connais. Envoie-moi une de mes couleurs, gros. Faire de la saleté. Yeah, yeah. Envoie-moi ça ou tu me laisses en acapella. Envoie une bonne couleur bien rose. Yeah. Chino, 9-2 dans la maison. CDC4 Funi. Yeah. Banlieue très sale. Ça, ça, yeah. Ça, ça, Fredo, dans la street, y'a pas de secret. On connaît vos stories. Pas besoin de coller mes poteaux. Mes couronnets sont assez solides. C'est ma perquise à la première, y'a pris. C'est pas dégueulasse, c'est horrible. Les youvois vont utiliser, buter, c'est tout part comme le Vélib. Les mots d'ordre, c'est faire du bif. Pesquer les Schmitt et vivre à l'air libre. En cas de rage, un poteau. Non, panique, ça vire au calibre. MC, t'as bois, mais tu mens pas sur ton dos. Y'a la brigade canine. Canine. Portrait, robot, cachet, prince de ma ville comme le poteau Karim. Seuls hâte, nous médiatisés, sont traumatisés par les mecs de Tessie. C'est pas parce que ça reconnaît plus la que ma jura a rétréci. Comme dans Call of Black Ops, Nyama, dans le réseau, tu n'étais précis. Puni quand t'es dans la demeure, plus son père ne veut te sentir. Chino, t'as le blaze dans la go, go, go, go, go. Si t'as le blaze dans la go, go, go, go, go. T'as le blaze dans la go, go, go. Si on fait pas le con, on va trouer ton croc. Ok, c'est Chino, tu sais ONG, hein. Bien sûr que j'ai la barre quand je prends le micro. Bien sûr que la barre est haute pour ces millions. J'assure, fais de même et mon saut dans ton auto. J'ai la barre prévue, si j'étais Ken, j'ai plus. Si c'est pas le rap, c'est la posture. Je relève le défi qui même me suit. Je le dis, transpire-tu ton truc. Ouais, t'es pas fini. J'ai remis tous les outils, des INO et qui est du carton dans la série. J'ai le droit de série, j'ai le droit de. Ok, c'est Chino, tu sais ONG, oh. Bien sûr que j'ai la barre quand je prends le micro. Bien sûr que la barre est haute pour ces millions. J'assure, fais de même et mon saut dans ton auto. J'ai la barre prévue, si c'est Ken, j'ai plus. Si c'est pas le rap, c'est la posture. Je relève le défi qui même me suit et verra. Je transpire, je suis donc j'aurai, ouais, t'as fait pas de soucis. J'ai réuni tous les outils, des INO et des éducateurs dans la série. Je fais pas de ciné, je gratte encore des cimés. Je gratte des putains de textes, tu veux en manger. Bah ouais, je vais manger, manger et manger. Mettre 2-3 cathéiètes dans la foulée. Je vais fermer des capés, claquer des pétés. Claquer, ouais. Claquer mon pit sans le compter. Je suis destiné à briller, m'en fais pas, je me barre. J'ai pris mon vol, 11 fois au sommet. T'en perds le sommeil, faut que je prenne de l'oseille. Tu peux porter l'œil, je m'embrolle ou aller piler. Un bon verre de vodka, je restache mon appui. Je roule un gros loin, je m'évade de la tessie. À chaque frappe, je suis précis. Je suis même tout de suite. Je suis lâche de bois. Niquez tous vos mères, tous ces rappeurs sont gays. T'as vendu ton âme pour avoir plus de blé. Ok. Ici personne va te sucer ni te supplier. Négro, t'as trop parlé, maintenant faut assumer. Dragon de Rio, je te nique ta mère en 2-2. J'suis trop de spi, j'suis trop de spi, tu me reconnais, j'suis le vieux de ton vieux. J'connais. On encourage le type à faire du bif comme nous, mais en mieux. Nique les faux, nique les traîtres. Rafale sur ses rageux. Ça suce des beats pour un feat. Short des shots et j'te prends un hit. 2-3 taf sur un split. Nelson, j'transforme ta propre classique. Okay. Rien ne sert de courir, on s'affirme la. la rue c'est la dive. Rien ne sert de courir, je te tire dessus, finis invalide. Je baisse les rebelles, je baisse les rebelles. 93 on va te mettre à l'aise. Restaurant chez Game, je suis dans ma caisse. On est tellement à rêve qu'on peut acheter sur de la braise. Lève, lève, lève les yeux vers le ciel, on arrive par le haut. Que chez mon père, mais il est redesco. En cas de guerre, on a tout ce qu'il faut. Voiture, volée, fusil, chargé, ok, OP, OP, OP. Clichy, cago, mon fermé, le carré, OP, OK, OK, OK. Cagoule, ganté, négro, vénère, OP, OK, OK, OK. Clichy, sous-bois, mon fermé, le carré, OK, OP, OK. La ONI, laisse-moi les rafaler. La ONI, laisse-moi les rafaler. La ONI, laisse-moi les rafaler. Laisse-moi les rafaler. Bang, bang, bang, bang, bang, laisse-moi les rafaler. La ONI, laisse-moi les rafaler. Bang, bang. Le premier fils de pute qui me teste finira dans ma fuck, nègue. Ça veut pas tuer, tu viens d'un bain d'emmenard dans ma fuck, nègue. Ne fin bon le sucre, tu l'as dans le cul, ça t'allume pour la mala. J'rappe pour ma rue, j'sais que j'suis attendu. Comme Nabila à la maf, que de la peur fera comme un enterre. Droit mais manger, t'as me fait tout voir à l'enfer. Personne ne se fera sauver par le con. Même Vanessa Paradis peut aller en enfer. Va niquer ton oncle BR, ne fin zère. C'est souvent le bon qui se retrouve en reste. Je pèse plus de blonde sauf si c'est en chair. Je ne règle plus de compte sauf si c'est bancaire. Que des faits maintenant la saoulée. Mon casier judiciaire est le meilleur de mes classiques. J'écoute pas tous ces vieux rappeurs, ils me sont rincés. J'ai toujours rappé dans les temps, même quand y'avait pas de beat. 240 gang, on est sur le rinté. À chaque billet violé, mon cœur s'emballe et palpite. RDV chez l'aspic, faire des sous ses casses. Je rêve de liasse tellement grosse qu'elle fait péter l'élastique. Fais ma. Attends, frère, deux secondes. Là, y'a mon gars Demo One, j'ai pas vu l'arrivée. Laisse l'instru couler, mon gars Demo. 9-4. Yeah. Ok. Demo One, mafia africaine. Qui veut rivaliser, pas le poids dramatisé. Démon, j'ai le démon en moi, en moi j'nounisé. En mode chitanisé, j'ferai trembler les lusés. J'irai en Syrie et j'en viendrai fanatisé. Normalisé, les États-Unis vont baliser. Caché dans ma droite, l'endrome essaie de me localiser. Avec ma talache, j'ai baptisé. Sur mon temps, tu dors des temps. Son analyse de mon one à Écoute. Eh, j'ai la dalle, j'ai les crocs. Ils me sous-estiment, j'ai pas peur, c'est négro. Toujours musulman, donc on voit pas le trône. J'ai un bon angle de tir, tu me vois pas dans le rétro. RATOX, ça jamais sur les côtes. J'ai pas trop dans la caisse, je suis sérieux dans les comptes. J'ai trop squatté la tête, les condés sur les côtes. J'ai pas trop dans les tests, je suis sérieux dans les comptes. Un plan tombe à l'eau, c'est trois poteaux sous écrou. Balance rémunérée, tu m'étonnes qu'ils savent tout. Parano, je m'évite, de quoi à qui je le confie. J'ai touché, me demande pas, j'ai planqué ça où. Comme Niro et Rimka, viens, on s'arrange. Avant qu'on sorte les lâches, car et qu'on s'arrose. La rue fait le tri entre les pédales et les hoches. Les mauvaises graines. Et les pétales de rose dès le réveil. Grosse envie de faire des sommes. Faire on a traqué, braqué des hommes. Arraché le terre-terre qu'avec de la gomme. Tirer la clientèle d'elle bien sur Boulogne. Tirer la moulette, un gros clos. Évite de douiller, t'évitera du plonger. Pas de temps à perdre, j'ai des putains de projets. Donc avant le faux frère, j'évite de plonger. Hey, que les flics se ramènent, je ramène hop. Et ta pute me drague, mais je la nique hop. Demande à 47, si je manie le hack. C'est pour croquer la recette, rouler en Cadillac. Je crois des moulins de dollars, c'est la favelas. Plus de prison et de drame que d'espoir, hélas. Avant de faire le fou, corrige tes menaces. Le coup du lapin moins efficace que les coups de lap. Les types smart sur ta morale. Zéro en pratique, 20 sur 20 à l'oral. Les anciens rêvent de Bora Bora. Ma génération marche plein sous la norac. Destin chaotique, demande à l'oracle. Mode de vie complexe, demande à le rat. J'ai trop mené la vie dure, la rue c'est hardcore. Manie les armes si tu fais pas sport. Dans l'émission, on va saluer BR, Fautif, Cozy, avec c'est lundi, capitale du crime 4. Juste avant de se quitter, on va faire tourner la roulette. Et après, on se dit au revoir avec tous les invités de ce soir. Offre des bons d'achat de 50 euros plus ta nouvelle compil Planète Rap 2014. Salut Julie, du côté de Lyon, ça va bien Julie? Oui, ça va très bien et vous? Bienvenue en pleine forme dans ce dernier Planète Rap de la semaine avec La Fouine pour Capitale du Crime 4. Julie qui est avec nous par téléphone, La Fouine. Voilà. Allô, ça va ou quoi? J'ai raté. Bonsoir, comment tu t'appelles? Julie. Julie. Salut Julie, ça Julie va de Lyon. Ah, bah Julie de Lyon. Va, on a des Lyonnais d'ailleurs, des Lyonnais qui sont présents sur CDC4. Des Lyonnais qui sont présents, ouais, on a des Lyonnais de Vanvelin. GSX. GSX 6-9. Allez, on fait tourner la roulette, c'est parti. La classe. Dès que tu veux. Julie, tu la bloques, tu l'arrêtes, tu dis stop. Et ça s'arrête sur la case C. Et ben voilà, c'est fait. 50 euros en bon d'achat avec la compile Planète Rap 2014, merci. Volume 3. On t'envoie ça à la merci. Maison. Bisous, Julie. À très bientôt. À bientôt. Merci, la fouine, en tout cas, pour cette belle semaine rapide. Rapide, ouais, ça, passé ouais, vite. Ça passe toujours vite. Et puis, c'est cool. Ça m'a fait plaisir de revenir ici et de refaire ce Planète Rap pour CDC 4. Bon, c'est un bel album, en tout cas. Vous l'avez entendu cette semaine. Vous avez pu découvrir. Il y a plein de bonnes choses. Plein de bonnes choses. C'est un gros, gros projet, on va dire. C'est un gros projet, en effet. Ouais. Bah, tous ceux qui ne l'ont pas encore précommandé, allez le précommander tout ce week-end sur iTunes. Dispo, allez-y. Il y a deux morceaux inédits pour ceux qui le précommandent sur iTunes. Et sinon, dont un qui est arrivé aujourd'hui aussi. Voilà, dont un qui est sorti aujourd'hui justement, allez le prendre sur iTunes tout dès maintenant. Allez-y la famille, allez. Merci à BR, à Furtif, à ceux qui étaient là cette semaine, à Cozy qui a fait l'ouverture et la fermeture de la semaine. Il est avec nous, à l'équipe de GSI, il fait les deux. Il fait les deux, il fait les deux. Il fait les deux, voilà, il fait les deux. Lundi, vendredi, moi je fais les deux. Fouini, BR, Furtif, Cozy, je veux les 20 000 likes. Qui était avec nous aussi tous les soirs. Merci beaucoup à vous tous. Allez, bonne soirée. On va retrouver D-Fool maintenant, c'est parti, c'est la radio libre de D-Fool. Et tout à l'heure pour la nocturne. Merci Fred, merci la fouine. Et bonjour tout le monde, bonjour Karim. Salut man. Bonjour Momo. Bonsoir tout le monde. Ah, ça fatigue hein. Ah putain, on a failli pas arriver. Ouais, on est venu en courant, dis foulez moi. C'est ça les sportifs, hein, vous avez vu un peu. Ouais, chez nous en courant. Bon allez, Radio Libre, c'est parti. Et dans un instant, c'est parti avec Je garde le sourire. Bon, on prend notre souffle, on accueille l'équipe et on arrive en direct. Merci la fouine, merci Fredo. Fredo le retour à minuit. Allez, on y va. Radio Libre dans un instant. Je garde le sourire. C'est Black M. Plus rien ne va.